côté, en we know my Le Dieu vivant, c'est Jéhovah Jiré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom. Dieu qui pourvoit à tous les besoins, qui guérit toutes tes maladies, Dieu vivant qui est ici. Que son nom soit glorifié et adoré. Nous allons prier. Dieu bien-aimé, c'est pour nous un grand privilège de nous retrouver ici, parmi les vivants, sur la terre des vivants. Que ton nom soit adoré, qu'il soit sanctifié, que ce nom soit vénéré, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié, car il est sans pareil. En lui nous recevons toutes les choses. La victoire, la joie, la patience, la qualité chrétienne, la puissance, la paix de tous, la paix spirituelle, la paix du cœur, le bonheur éternel, le salut éternel, la protection éternelle, le soutien véritable, le secours à l'avance, la délivrance totale, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, la réponse à toutes choses, le succès et la réussite, l'élévation et la gloire, à toi les louanges, l'homme est imparable, ressuscité le troisième jour, vivra pour l'éternité, que nos âmes te louent, nos âmes te connaissent, nos âmes te servent, s'attachent à toi Seigneur, puisse te servir comme il te doit, parce que tu es le seul et l'église, le Dieu véritable, il n'y a pas un autre. Nous attachons à toi. Nous te servons. Sur le chemin du salut. Gloire à toi tout le temps. Gloire à toi dans nos cœurs. Gloire à toi dans cette église. Gloire à toi dans tout lieu, Seigneur. Adorable Dieu. Visite le cœur encore une fois. Mets l'onction de l'Esprit. Nos vases sont vides. Et les vases veulent le remplissage. C'est toi qui tiens le remplissage. Actionne Jésus. Actionne le désert. De la puissance d'en haut. Expérience de la parole, des expériences du salut, donne-les au nom de Jésus-Christ. Nous allons supplier, Seigneur, en parlant sur la scène, au sein de ton Yeshua, le vivant au siècle, et t'appelons ici, pour que tu te manifestes, tu nous consoles, tu nous bénis, tu nous délivres. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à la table du Seigneur. Et de tout nos cœurs, nous aimons Jésus-Christ. De tous nos cœurs, nous aimons Jésus-Christ. Alors nous allons lire sa sainte parole dans Apocalypse chapitre 3 Apocalypse 3:20-22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voka, na telemina écoute. Pe na zali kobeta. Sokonani akoyoka mungongo na ngai. Pe akozipola monoko na ndako. Na tokopo pai na yon pe. Tokolia elambo bisona yi. Pe na molongo. Na kopesa yon zera na kofanda na. Na ngai elongo. Na kiti na bokonzi na ngai lokola ngai. Pe na langi pe na vandi na tata na ngai. Elongo na ye na kiti na bokonzi na ye. Oyo azali na litoyi. Ayoka yango elobi molimo na mangomba. Psaume 115. Le psaume 115, verset 13-16. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, Amen. Les petits et les grands. Amen. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, Amen. À vous et à vos enfants. Amen. Soyez bénis par l'Éternel, Amen. Qui a fait les cieux et la terre. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, Amen. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Akopambola ba oyo bakobanga na Yahweh, batomike mpe batomine na lokola. Yahweh akoyikanisa bino, bino mpenza mpe bana na bino. Bino bopambolama na Yahweh, ye oyo asalaki lola mpe mokili. Lola mpe likolo na lola ezali na Yahweh, kasi apesi mokili na bana na bato. Hébreux chapitre 6e. Bayebolo mokapo ya motoba. Verset 19 à 20. Molongo ya kotanga zomi na libwa pe zomi kili mibale. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Amen. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, Amen. ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Ye, nanga monene libela kobilaka molongo na Melchisedec. Kajo benisso la lecture de Sainte Parole. Nde apambola bosangi ya lobana ye mosantu. J'avais dit que nous souhaitons à chacun bienvenue à sa table. Nabete tosombeli mwele na mwele nyonso beyi malamu na mesa na ye. Veuillez donc vous asseoir. Nabongo bokosindo kobanda. Nous sommes heureux d'être avec vous ici. C'est un privilège et aussi une occasion de joie. C'est pour nous un sujet de joie d'aller devant Dieu. Comme David d'autres fois le disait, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Notre joie aujourd'hui n'est pas la joie de nos Noël. Car pour nous, le 25 décembre, Noël n'existe pas. Ce qui se fait dehors là-bas, chez les soi-disant églises chrétiennes, c'est une fête païenne. Dans ce qui s'est appelé nuit silencieuse ici, il y a des grossesses et des enfants bâtards qui vont naître. Il y a eu des femmes qui ont commis adultère, qui sont aussi infidèles à l'heure de mariage. C'est venu à cause de Noël. Il y a des gens qui sont allés voler. Vous avez un cadeau de Noël à offrir à quelqu'un d'autre. Il y en a qui ont détourné les deniers publics, l'argent de l'État, pour aller donner à leur Makangu des cadeaux de Noël. Toutes ces célébrations-là, c'est du paganisme. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Amen. Nous nous rassemblons ce matin, parce que c'est le 25 décembre. Ce matin, parce que c'est un dimanche. Et le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Le jour commémorant la résurrection du Tout-Puissant Vainqueur. Dieu unique fait homme. Son nom étant Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs. Donc la journée d'aujourd'hui, si elle a une connotation spéciale dans notre entendement, ce n'est pas trop le 25 décembre. Mais le souvenir de la résurrection de Jésus-Christ. Chaque fois que nous rassemblons le premier jour de la semaine, chaque dimanche donc, nous avons ça à l'esprit. Et le samedi prochain, ce sera le 31 décembre 2022. La clôture de l'année romaine. Le dernier jour de l'année du calendrier romain. Pas du calendrier juif. Pas du calendrier égyptien. Le calendrier romain qui est le calendrier le plus répandu dans le monde des humains. Ce ne sera pas le dernier jour du calendrier chinois non plus. Ils ont leur propre calendrier. Ils ont leur propre calendrier. Ils ont leur propre calendrier. Qu'on utilise le calendrier qui est basé sur Jésus-Christ, centré sur Jésus-Christ, on compte les années par rapport à lui. La nation juive va rejeter Jésus, vous savez qu'ils sont aveugles et sourds. Ils continuent avec leur comptage de manière de consort. Les Japonais ont leur comptage. Les Chinois ont leur comptage. Si nous essayons tant soit peu de suivre un peu ce calendrier romain, c'est à cause de Jésus-Christ qui est placé au centre. Par rapport à Jésus-Christ, on vous dira autant d'années avant Jésus-Christ. Et c'est le calendrier romain qu'il y a dans nos maisons. Non pas que ce soit un calendrier parfait, non. Il a des comptages de jours imparfaits. Dans ce calendrier-là, il y a des mois de 28 jours, 1 février. Il y a un mois de février de 29 jours. Mais ce que vous pouvez utiliser, c'est le nom de Jésus-Christ placé au centre. Donc, les années en fonction de Jésus-Christ. N'êtes-vous pas fier pour ça? Donc, un calendrier qui tienne compte du nom de Jésus. Même si les choses ne nous rassurent pas, mais au moins ça. Alors, à cette dernière journée de l'année, le monde fera la fête de la Saint-Sylvestre. Les 31 décembre, Dieu de la fertilité. Que les païens vont célébrer à leur manière, les idolâtres. Leur fête ne nous concerne pas. Nous ne pouvons nullement fêter la Saint-Sylvestre. Mais nous nous donnons rendez-vous ici dans la maison de Dieu. Le 31 décembre à 22h. Et ce sera de 22h à 6h du matin. On a dit à Kinshasa, Tongosa. Pour le Seigneur, nous voudrons lui dire merci. Dieu a dit, rendez grâce en toutes choses. Oui, c'est de votre part la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce à Dieu pour la fin de l'année. À l'occasion de la fin de l'année, à l'occasion de beaucoup d'autres choses, nous lui rendons grâce. Quand tu commences ton année académique, tu la confies à Dieu. Quand l'année académique finit, tu rends grâce à Dieu. Quand la rentrée scolaire vient, nous la confions à Dieu. Quand l'année doit finir et nous avons réussi, nous remercions Dieu. En toute chose, nous rendons grâce à Dieu. Et pour cette occasion qui vient, la fin de l'année, voyez, la dernière veillée de prière que nous avons faite, c'était le 31 décembre 2019. Une année après, c'était coronavirus. Le 10 mars 2020, coronavirus est entré à Kinshasa. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est toujours pas terminé. Nous avons vécu des moments les plus sombres. Et le nombre de morts était devenu innombrable avec le monde. Des milliers et des milliers de morts. Et des vaccins en expérimentation sont en train d'être donnés. Et toutes ces choses-là. Alors, en 2021, nous avons terminé l'année sous le couvre-feu. Et on ne pouvait même pas tenir notre veillée de prière. Nous l'avons fait un peu par regroupement ou par famille. Mais cette année, il n'y a pas de couvre-feu. Et coronavirus n'est plus cette reine couronnée qui était tellement couronnée et crainte en 2020. C'est comme une reine dégradée. Coronavirus. Asili Mwangalanaye. Coronavirus, Coronavirus, c'était une reine couronnée. Un petit démon qui a voulu se faire adorer, que toute l'humanité s'incline devant lui. Mais regardez, son règne a duré combien de temps? Ngalanaye est venu aussi là déjà. Le monde ne parle plus trop de lui. Le monde ne parle plus trop devant lui. C'est tous les Africains. Donc les Occidentaux ont essayé de les vénérer, de les vanter, tout ça. Mais frère, nous avons un roi dont la royauté ne passera point. Son nom c'est Jésus-Christ. Ngalanaye et c'est la caté. Voyez couronne, il y a second à second. Donc, à sa bandage aussi l'angala, kala. Bref, d'ailleurs, nous, on va venir faire la veillée de prière. Malgré qu'il a ressurgi encore la tête ici au Congo, au sixième vague. Bon, à Jongana Mishima. Aucune maladie ne régnera éternellement. Jésus-Christ seul régnera éternellement. Et toute langue l'adore. Tous genoux fléchissent devant lui. Jésus-Christ seul est le roi éternel. Vous l'aimez pour ça? Alors nous poursuivons ce matin et préparer bonne préparation. Non pas y'a quoi là. Comme nous disons, veillez de prière. Balobi veillez de prière, Yozo Bungisa, Nati Nayo Nagata Magani. Ah, tu veillez pour moi Kala, depuis 2006 et 2019. Est-ce que Nako Koka? Oui, au Kokoka. Et l'amour de Dieu attend debout, n'a pas l'église à veiller debout. Amen. Il faut le faire avec l'amour de Dieu. Qui dit amen? Oui. D'ailleurs, l'année passée, ce n'était même pas toute une nuit complète. Quand on a fait même pas regroupement là, c'était que vers minuit ou 23h, minuit. On avait arrêté parce qu'on avait interdit tous les bruits, n'importe quoi et des choses comme ça. Alors, nous sommes des bons citoyens. Un bon citoyen respecte les lois de son pays. Bon, un bon citoyen respecte les lois de son pays. C'est comme ici, la Constitution dit que tous les Congolais sont électeurs et éligibles. Congolais. Donc, sauf exception, c'est par la loi. Un Congolais ne jouit pas de tous ses droits civils et politiques ou qu'il appartient à une certaine profession qui est totalement politique, alors là, lui, on dit non, lui, il est accepté. On ne devient pas éligible, soit... Allez, on peut... Tous les Congolais sont éligibles et électeurs, sauf dérogation établie par la loi. Donc c'est la loi qui doit les dire, pas les sentiments de l'individu. Alors, comme des bons citoyens, l'enrôlement des électeurs a commencé hier. Vous dites, oh non, mes frères Branham, il avait dit que je ne suis ni républicain ni démocrate. Quand il y a eu les élections en 1960, il y avait en compétition aux États-Unis d'Amérique, Nixon contre Kennedy. Et frère Branham, sachant que Kennedy était catholique, il est allé voter pour Nixon, de sorte que Kennedy ne passe pas. Mais lui, la personne pour laquelle il a voté n'est pas passée. Kennedy est passé. Les catholiques est passé, malgré les votes individuels de frère Branham. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il fait l'opposition? Non. Il a dit qu'il est passé, il est notre président, nous tous. Voilà. Et quand on l'a assassiné, il a regretté. Et il a montré que personne n'a le droit de tuer personne. Alors, nous devons être de bons citoyens. Mais cette fois-ci, il semble que quand vous irez vous enrôler, on va vous remettre un formulaire de renseignement. L'Office national d'identification. Alors, dans ce formulaire, vous devez connaître les noms de vos ancêtres. Hein? Côté maman, côté papa. Si vous êtes vraiment congolais ou pas. Les noms complets de ton père et les noms complets du père de ton père, les noms complets du père de ta mère et de la mère de ta mère et de la mère de ton père. Alors vous devez connaître votre chefferie, le nom de votre collectivité, le nom de votre district, votre territoire, de votre province. Tout ça, vous allez remplir vous-même. Si vous laissez des vides, vous n'aurez pas la carte d'identité congolaise. Alors demain, quand vous serez poursuivi comme un étranger, ne venez pas vous plaindre. Bon, fais ça ma preuve. C'est ça. Vous voyez que ça c'est dans le naturel, mais dans le spirituel. Beaucoup aussi se disent chrétiens, enfants de Dieu, mais quand Dieu va procéder à l'identification des enfants de Dieu, il dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors ne soyez pas comme certains politiciens qui font trop de bruit à la télévision, à la radio, qui disent qu'ils sont les sortissants de tel coin. Quand on les amène là-bas, même la langue, la dialecte, ils ne connaissent pas. Quand on dit, bon, vous connaissez qui ici, qui est de votre côté des hommes, ils connaissent personne, et tous les anciens, bon, aucune trace. Mais ici, il est connu comme ressortissant de tel coin. Et Jésus-Christ avait quand même ses origines clairement écrites dans la Bible. On a tracé la généalogie de Joseph qu'il avait adopté. Et il est connu comme étant descendant de Judas. Le fils d'Abraham. Hérité de la concession royale. Et c'est lui que le sceptre royal de Judas, c'est à lui que ça devait revenir. Bon, il est l'homme providentiel annoncé dans Genèse 49, verset 10, lorsque Jacob bénissait les 12 patriarches et qu'il a prononcé la bénédiction sur Judas, il a annoncé la venue d'un Shiloh, celui à qui tout appartiendra, mais il viendrait de la tribu de Judas. Jésus était celui-là. Donc, il faut quand même connaître ces choses-là. Il ne faut pas dire dans notre église, oui, en tant que communauté de chrétiens, nous ne sommes pas ici pour demander toi tu es ressortissant de quel coin. Ça nous importe peu dans l'église. Dieu a appelé ceux qu'il a appelés. Ils deviennent nos frères quand nous choisissons le message, nous croyons. Nous avançons ensemble dans la foi. Mais les histoires de oui, il est sorti de telle tribu, le clan, ça ne sert à rien ici. Mais vous devez connaître vos origines vous-même. C'est pour vous-même, c'est pas pour nous. Tu peux me présenter ce que tu as comme origine, hein? Peut-être que c'est un défaut. Tu peux m'en parler aujourd'hui, peut-être que 6 mois après j'aurai tout oublié. Amen. Je dis, mais pasteur, je vous avais déjà dit que moi je suis de tel petit coin. Et comprenez-moi, supportez-moi. D'affaires du royaume de Dieu qui est allé sur chercher ma tête avec le petit détail de telle sœur, elle est originaire de tel, le tel clan, la famille, 50e famille, je ne sais pas d'où. Non, frère, s'il vous plaît. Voilà. Je sais que tu as créé le message, tu es mon frère. Notre province à nous. Peut-être que je ne connais pas. Oui, beaucoup d'entre vous ici. Province exacte. Surtout même après l'éclatement ici. Décentralisation. Bon. Des fois je ne connais pas. Bon, ne me condamnez pas pour ça. Parce que la Bible a dit, il repousse toutes les discussions folles relatives aux généalogies. Mais un pasteur doit quand même connaître. Où est mon problème? Le message, il est mon frère. C'est ma soeur. Vos détails de mon originaire de Mungu à la gauche, Mungu à la droite, il est originaire de Chopo, toi pas. Ça complique, hein? Michel, ça complique beaucoup tout ça. Alors, occupons-nous du royaume de Dieu. Quelqu'un peut-être dire amen. Occupons-nous du royaume de Dieu. Les généalogies et tout ça, c'est des histoires. Donc, tu connais que ça pour toi-même. L'église s'occupe de la parole. Bon, vous ne voulez pas dire amen. L'Église s'occupe de la parole de Dieu. Et l'appui de la vérité. Et la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Dans toute sa richesse. Voilà la recommandation sacrée. Les autres petits détails sont accessoires. On pourra y recourir occasionnellement quand il s'agira des histoires de mariage. Hein? Le frère veut se marier. Ah, maintenant vous venez. Toi, tu es. C'est comme le retien encore. Non. Le coutume ici, on ne peut pas de scandale, on doit prévenir. Oh, la coutume de ce côté ici tous. Alors, parce que la dot biblique, on va essayer d'ouvrir l'œil à ce moment-là. Après, on va refermer la page. Permettez-nous d'oublier tout. On va y revenir quand l'occasion va se pointer. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous aimez? Alors, vendredi, il y a eu changement de conduite. Nous étions en train de parler d'un petit sujet, priant pour la résurrection d'entre les morts. Le Seigneur a changé et nous sommes allés dans une autre conduite. Je pensais que ça allait finir le soir même. Ce n'était pas le cas. Alors ce matin, nous poursuivons avec cette pensée de méditation. On a eu vendredi. Nous n'irons pas au ciel de William Branham. Non, mais au ciel de Dieu. Nous avons entendu par la grâce de Dieu en commentant les psaumes 115. Comment est-ce que les cieux sont les cieux de l'Éternel? Nous pouvons y revenir encore parce que certains n'étaient pas là vendredi. Dans le psaume 115, on a vu le verset 16 qui donne la pensée, les cieux sont les cieux de l'Éternel Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Que les âmes qui croient disent Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. En disant ceci, ça ne veut pas dire que la terre n'appartient plus à Dieu. Non. Dieu est le propriétaire des cieux et de la terre. C'est absolument vrai comme ça. Les cieux et la terre lui appartiennent. Mais si vous faites attention, vendredi, quand nous avons entendu qu'il a donné la terre au Fils de l'homme, il a donné la terre au Fils d'Adam, il a donné la terre aux descendants d'Adam, il en a fait des propriétaires temporaires, des gestionnaires, des tenanciers du domaine de la terre. Et on a vu dans le langage biblique comment les terres peuvent revenir à un homme, à un concessionnaire, à un propriétaire. Lorsqu'il parle de terres plurielles qui reviennent à un individu, ça ne veut pas dire que Dieu aurait créé plusieurs terres au commencement. Au commencement, Dieu n'a créé qu'une seule terre. Mais comme il y a placé des humains, ils se sont multipliés. Donc chacun occupe une portion. Par l'augmentation de guerre. Parfois ce sont des conflits fonciers. On se dispute les pensions de terre, les concessions par différents prétendants propriétaires. Mais partout, toute la terre appartient à Dieu. Mais au départ, Dieu avait créé plusieurs cieux. Et ces plusieurs cieux, on a quand même commenté en passant, sans aller dans les détails de chaque ciel. Hein? On a montré comment Dieu en a fixé les dimensions. Et dans la Bible de Dieu ici, Dieu lui-même a délimité les dimensions grâce à la mesure prélevée à la paume de main. Dans le commencement, il a créé plusieurs cieux, mais une seule terre. Mais tous ces cieux-là appartiennent à Dieu. Qui lui appartiennent en exclusivité. C'est pour lui. Vraiment pour lui. Pouvons-nous lire ici dans Deutéronome? Une vérité courte et simple. Deutéronome 10, verset 14. Voici, tu dois voir, c'est la présentation. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Ton Dieu appartiennent les cieux. Même les cieux qui sont au-dessus des cieux. Parce que ces dimensions sont échelonnées. Les dimensions des cieux. Donc il y a des cieux un peu situés plus bas que d'autres cieux situés un peu plus haut. Mais maintenant, les cieux tout entier et les cieux des cieux. Tout cela appartient à l'Éternel ton Dieu. La terre elle-même et tout ce qu'elle renferme, il appartient à l'Éternel ton Dieu. Que ceci soit clair et simplement retenu. Que Dieu soit loué pour ce grand privilège de nous faire connaître ses voies et les choses de Dieu. Je pense que ceci vous fait du bien. Et savoir que l'univers appartient à quelqu'un. Il est le Dieu de l'univers. Il est le propriétaire de tout. Les cieux et les cieux de feu. Ça lui revient, ça lui appartient. La terre elle-même et tout ce qu'elle renferme. Ça appartient toujours à Dieu. Il est écrit ceci. Le verset 12. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Notre Dieu qui est terrible dans l'Assemblée des Saints, comme c'est mentionné ici au verset 8, Dieu est terrible dans la grande Assemblée des Saints et il est redoutable pour tout ce qui l'entoure. C'est à ce Dieu-là qu'appartiennent les cieux et la terre. Il en est le propriétaire, il en est le créateur. Le monde tout entier a été fondé par lui. Le fondateur du monde, c'est lui notre Dieu. Abraham. Quoi, un serviteur de Dieu quelconque? Pour l'un des prophètes. Alors, pour ceux de nos frères qui se sont égalés. Et qui se nourrissent de fausses doctrines. En prenant une prophétie, une vision, un rêve, pour en faire une doctrine prêchée à l'église. Il dit, nous irons au ciel de Branham. Ça se prêche et se répandit dans plusieurs endroits. Nous devons dire et répéter que c'est un mensonge. Peut-être quand on en parle ici, pour toi, c'est du nouveau. Pour se protéger, le jour où le tentateur s'approchera avec ce genre de mensonge, il a déjà été enseigné. Et épargner aussi celui qui aurait été contaminé dans son entendement par ce genre de discours corrompu pour en être délivré. Il faut que l'insistance soit faite et que la vérité soit démontrée. Bon. Si le croyant du message, du dernier messager de l'Odyssée, doit aller au ciel de Branham, alors le croyant du message du premier âge de l'Église doit aller au ciel de Paul, et le croyant du message du deuxième âge de l'Église iront dans le ciel de d'Irénée, et vous prenez chaque messager jusqu'à Martin Luther pour pouvoir dire chacun des messagers a un ciel à lui, et les vainqueurs de son âge iront dans son ciel. Une telle utopie n'existe pas dans la parole. Ceux qui bongo, Remonter dans l'Ancien Testament, le grand prophète Moïse aussi devait avoir souci la loi. Esaïe et Jérémie pareillement. Élie aussi ayant son propre ciel, dans lequel il devait amener Élisée. Vous voyez ce genre de confusion? Ni biblique, ni prophétique, ce sont des mensonges bien faits. Pour ça que nous ne croyons pas le message par enthousiasme. Si nous avons Christ ce message, c'est parce qu'il est dans la Bible. Et tout ce qui n'est pas biblique doit être rejeté catégoriquement. Quelles que soient les citations qu'on essaye de brûler avec Amen, amen. Dieu a créé le ciel et la terre. Et les deux lui appartiennent. Ici dans Job, Dieu a eu à énoncer un principe que vous connaissez. Job au chapitre 41. Job au chapitre 41. Il dit ceci. Au verset 2. De qui suis-je le débiteur, je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Ce qu'il y a en dessous des cieux. Même lorsque vous pouvez penser que les cieux, c'est ça les cieux de l'Éternel, et il a donné la terre aux fils des hommes. Ce qu'il y a en dessous des cieux, il y a l'espace qui est là, et puis il y a la terre. Tout ce qu'il y a sous les cieux là, comme se le disent, ça appartient au Seigneur notre Dieu. Ça lui y appartient. C'est pour lui. Il en est le créateur. Il en est le propriétaire originel. Mais quand il a donné la terre au fils de France, non pas pour se déposséder. Non, il en a donné la gestion ou la juridiction. Et c'est exactement cela. Dieu est exact, il est vrai. Oh, il dit ceci, dans Lévitique au chapitre 25, l'Écriture dit ceci au verset 23 et 24, les terres, donc les portions de terre, les concessions de terre, les parcelles de terre, les champs de terre, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étranger et comme habitant. Ma belle est côté qui s'en a ses côtés. Peut-être ma belle est Zali Nangaï. Bino, Bozali Bapaya, ou peut-être Zali Nangaï. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez les droits de rachat pour les terres. Peut-être une amokili Mozali Nabino, Bokonima et Temoto, ainsi que la Mabele Nangaï. Regardez-moi ça. On ne devrait pas avoir un certificat de concession perpétuelle. Comme ça se donne au Congo et dans plusieurs pays. On dit qu'on fait de vous propriétaire à perpétuité, non? En même temps, vous-même là, qui êtes propriétaire à perpétuité, vous avez les droits de revendre. En utilisant le même titre là. Et vous prenez votre certificat, qui est le contrat de, qui contient le contrat de concession perpétuelle, le certificat dans l'espace de la parcelle, hein, du cadastre, hein, vous le cédez à l'acheteur. Et puis on part annuler ça. Regardez-moi ça. L'escroquerie de nous les humains. et vous dites, il annule ce certificat, et puis vous demande, vous, les nouveaux acheteurs, de payer un nouveau certificat dans lequel on vous reconnaîtra propriétaire à perpétuité. S'il y avait des chrétiens dans nos parlements, au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est parmi les lois qu'ils doivent abroger. Dites peut-être à durée indéterminée. Donc, vous êtes propriétaire. Donc à un moment on peut y mettre fin. Mais si la perpétuité veut dire vraiment la perpétuité, c'est 20 ans illimité sans fin. Mais alors là il y a un problème. Mais comme les chrétiens ne sont pas trop dans la politique, ils sont en politique et ceux qui sont là-bas, et c'est par prétention qu'ils disent être des chrétiens. Alors il y a des lois iniques, des lois iniques qui continuent à passer. On appellerait dans ce pays. Mais les terres ne doivent pas se vendre à perpétuité. Les droits de rachat des terres doivent être garantis. Mais attention, Dieu vous dit que vous êtes tous des étrangers. C'est moi qui sur la terre vous a placé là. Et ça, c'est bien, on a dit, locataire ou soi-disant propriétaire, ça ne veut rien dire. Il ne peut pas se sur la terre. Oh, dites amen, non? Oh, vous faites? Oh, vous coupez pas jour et arrive. Oh, ok. La terre reviendra à Dieu le propriétaire. Les terres ne se vendront pas à perpétuité. Car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. Ma belle est côté qui s'amasse à côté. Prête ma belle est allée dans l'aïe. Bino vos allées papa y'en peut et ma zanni dans l'aïe. Oh, qui a donné à Israël le pays en question? Mais n'est pas ça qui s'est fait. Qui est le propriétaire? Vous avez dit dans un bétrole ma belle. Et qui était occupant de ce pays-là? Ben n'est pas ça qui n'a mouti en haut. Il y avait les Phérésiens, les Cananéens, les Jébusiens, les Hittites, les Amoréens qui occupaient ce pays. Et leurs ancêtres les avaient laissés. Mais qui est le propriétaire? Pour confirmer la prophétie de Noé. Que ce peuplade l'a ignoré. Quand Noé avait dit, maudit soit Cana, et qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Cana était le fils de Cam, son fils aîné. Et de Cana sont nés d'autres enfants. Parmi ses enfants, vous voyez toute la lignée là. Les Amoréens, les Phérésiens, les Hétiens, les Jébusiens, ils étaient les descendants de Cana. Mais comme leur ancêtre Cana a été mort dans la prophétie de Noé, même la terre, leur terre ancestrale, devait leur être confisquée à un moment donné. Sous le pouvoir de Dieu qui donne la terre à qui il veut. Alors Dieu, il y a plein de justice. Yangonde, batimisumo kufagaliwa busoba, nikola mabele bakoko na bango. Oso bundela mabela bakoko na yo, bakoko batigela yo, oui bunda, otangise magina de fois en vain. Il y a un Dieu là-haut, il essaie de le faire à qui il veut. Êtes-vous là? Vous allez voir? Êtes-vous là? Vous allez? Comprenez ces choses-là. Comprenez vraiment ces choses-là. Et soyez prudents. N'allez pas verser votre sang pour des futilités. Votre sang est précieux et Dieu a dit que la mort de ceux qu'il aime a des prix aux yeux de Dieu. N'aimez pas de guerres insensées. Sachez que sur la terre, nous sommes des habitants et des étrangers auprès de Dieu. Donc, tout cela qui s'était battu en tant que phérésien, en tant que jébousien, en tant que amoréen, en tant que cananéen, ils se sont battus, ils sont morts en vain. Au final, la terre devait revenir à Israël parce que telle était la décision de Dieu, propriétaire des cieux et de la terre. Dieu avait amené Abraham dans ce pays-là. Et il a fait voir, il dit, regarde l'étendue de ce pays. Ce qu'il a dit, c'est maintenant, ça s'appelle des Canaïens. Ce sont des peuples incirconcis. Mais ce pays, je te le donne à toi. Lui a dit ça, Abraham. Je le donne à toi et à ta postérité. C'est fini. Mais les Canaïens étaient dans le pays. Ils ont créé des problèmes à Abraham. Ils ont créé des problèmes à Isaac son fils. Parce qu'ils étaient les occupants, les propriétaires, c'est ça? Mais ce n'était que pour un temps. Tout est problème, toute bataille qui vous commence, est une bataille qui aura une fin. Ce qui compte, c'est de vous ranger du côté du Seigneur. Quand il est écrit que le cheval est équipé pour la bataille, mais l'antenne pense à penser à l'éternel des armées. Les guerres que vous ayez engagées soient les guerres de l'éternel. Quand vous annoncez une bataille, soyez certain que Dieu est de votre côté. Quand Dieu est avec vous, avec Dieu est avec vous. Vous jouez la victoire. Si nos cœurs s'ouvrent à la vérité, Dieu répand les bénédictions. Ne vous battez pas pour des sentiments. Ne vous battez pas pour des matières terroristes. Ne vous battez pas pour des matières terroristes. Ne vous battez pas pour des matières terroristes. Nous disons vraiment amen. Les cieux des cieux. Tout ce qu'elle renferme. Ce qu'il a donné aux humains. C'est pas une concession perpétuelle. Il a donné un soin de pour être reconnu temporairement comme propriétaire. Et quand tous les chemins seront passés, et qu'il n'y aura pas de yang droit terrestre, la terre revient à l'éternel, pour à l'État. Vous allez Satan a beaucoup la part. Oh. Oui. Hein? Voyez. Voyez. Vous m'en dites, hein? Vous dites l'État. L'État c'est qui? Beaucoup la part. Après on va dire l'État est Zayonandaï. La Seigneur, c'est toi et moi. Mais qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? Mais l'État c'est vous et moi. L'État c'est toi et moi. Mais le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ma belle n'a pas la chaîne, ma belle est pour la Bukulaka. Hein? Un problème grave. Bon, vous avez une loi qui affirme ça? Mais votre constitution, est-ce qu'elle vous a dit que ça vous appartient? Vous les Congolais ici. Elle vous a dit que ce pays vous appartient? Dans la constitution même. L'État exerce la souveraineté. Et nous y sommes maintenant là à l'Est. Hein? Donc l'État peut céder sans pour un temps pour des raisons. Mais il exerce la souveraineté sans être propriétaire. Et une loi antérieure de la constitution dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. À une époque, quand les fidèles ont pris le pouvoir, les sols et les sous-sols appartenaient à l'AFDL. C'est des transitions. C'est pitoyable tout ça. Hein? Vous allez vous battre pour des choses contradictoires comme ça. Délibérément maintenant, le M23, là-bas, a cédé Kimumba. À qui? Non pas au FRDC, qui représente l'État, mais aux forces de l'IAC. La Bongo M23 acte de bonne foi. La Bongo M23, oh, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo, la Bongo. Le président burundais a déjà répondu, jusqu'à ce que l'État congolais forme une armée digne et capable de sécuriser tout le monde. On prendra combien d'années, on ne sait pas. Jusqu'à ce qu'on forme une armée. Capable de sécuriser tout le monde. Ça veut dire là, les M23 peuvent aller sillonner librement à Kibumba. Et faire des choses aussi s'ils veulent, ils sont là, mais tous seront sous l'autorité de force de l'IAC. La communauté de l'Afrique de l'Est. En cas de conflit, ce sont les forces de l'IAC qui vont trancher. Conflit entre un propriétaire du M23 qui dit que cette terre lui appartient et un agent de FRDC. Bon, vous allez auprès de l'IAC, c'est eux qui disent, bon, ça, c'est pour M23. Celui qui a gagné le procès. Ce qui concerne le pouvoir, on a donné que ça, et qu'on a mis tout au milieu, il y a et nous allons entendre la suite. Mais l'IAC n'est pas éternel. Nous disons que c'est Dieu qui est le propriétaire. C'est l'histoire de l'État, de ceci, de l'État. Ce sont des confusions. Bon, mais ce sont des lois qui sont là, tant qu'ils sont là, bon. Et citoyens chefs, nous respectons. Mais c'est le propriétaire, nous respectons. Nous sommes des citoyens, nous respectons les lois. Mais la grande loi, c'est la Bible. La loi suprême est meilleure. Mais si on se conformait à ça, on aurait moins de problèmes. Réveillez-vous, même Israël a des problèmes. Donc Dieu vaut tout pour nous. Je voudrais lire Proverbe Nam ici au sujet de la juridiction de la terre qu'il a confiée à l'homme. Dans les sermons, l'épître aux Ephésiens est comparable au livre de Josué. Prêché le 15 mai 1960. Le paragraphe 5e partie. Or, Dieu a fait l'homme pour que ce dernier domine sur toute la terre. Il avait l'autorité. L'homme dominé sur la terre. Conforme aux Écritures. Vous qui étiez l'avant-garde, vous pouvez répondre aussi. Conforme aux Écritures. On l'a dit. Donc, si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. L'homme. Il pouvait parler et ce qu'il disait s'accomplissait. Il pouvait prononcer telle chose et ça arrivait. Oh, le voilà, Dieu Jéhovah, celui qui une fois existait par lui-même. Oui, il existe avec sa famille. Il avait des enfants, voilà Dieu. Il a donné la gestion de la terre à l'homme, sa créature. Il a dit, dominer là, assujettissez là. Et l'homme avait l'autorité, le pouvoir. Il pouvait prononcer les choses et les choses créées. Il pouvait ordonner la création des écureuils et les écureuils à Amen. L'homme avait autorité. Il pouvait dire à l'opossum de se rétablir. Et il avait l'autorité et la domination. Alors, dans le serment, la brèche, entre les sept anges de l'église et les sept sceaux, encore là, la brèche. L'homme en péchant, il a perdu son héritage. Quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Mais que Dieu lui avait donné, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie. Parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Et maintenant, vous voyez tous ces conflits fonciers? C'est l'insuffisance de l'autorité. Là où c'est plein de conflits fonciers. Et on fait une estimation comme dans nos pays, comme ici, Congo RDC, Côte d'Ivoire, Congo Brazzaville particulièrement, le conflit des terres occupe environ 80 à 90% des conflits qu'on a dans les cours des tribunaux. Ce qui va te qualifier dans le monde, c'est que les gens ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Les guerres des propriétaires des guerres de succession se plaignent ici en Afrique. Mais Sida, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que l'homme blanc prend de bonnes dispositions en amont. Il a bien organisé la gestion des terres. Il a laissé l'Afrique toujours à genoux avec des demi-lois, des lois dans lesquelles on reconnaît l'autorité de l'État soi-disant, en même temps on reconnaît l'autorité du chef coutumier, et que les gens ne créent pas un taxe d'anarchiste. Les gens de coutumes sont des désordonnés, c'est eux les agents de désordre. Bon, maintenant, il y a ces confusions, et même des géomètres et des cadastres qui sont dans les combats, et la superposition des titres et des terres, toutes ces confusions et les croqueries à grande échelle. Vous voyez frère? En Afrique. Voyez? Mais il y a des endroits où même quand tu acquis ton lopin de terre, tu ne vas pas commencer à construire baï. C'est l'État qui vient construire pour toi. Je donne même le personnel et les orientations pour respecter les normes. Mais ici, moi, je suis un peu de fait. Donc, on mange ça, à Béti. À Zukuna, Kanibou, et puis demain, ma belle, les failles à côté, les bûches sont cambouilles, les érosions. La bombe, les ordres. Et on dit qu'on a des lois. On s'est mis le temps, on a eu mon procrastination, on va tomber. Voyez, Et quand la pluie commence à tomber, vous ouvrez les faux sceptiques pour vider. Même dans les quartiers soi-disant résidentiels. Ça ne passe comme si on ne contrôle personne. Nous les Africains, nous sommes doublement perdus. Hein? Donc l'autorité est partie complète. On ne gère rien. On est là à gérer les petites urgences, les catastrophes. Mais on ne planifie rien. Regardez même ce qui s'appelle le ministère de l'urbanisme et habitat. Vous avez acquis une parcelle dans la brousse. Quand il y a la brousse, vous ne verrez personne de là venir vous déranger. Urbanisme habitat, il y a déjà un propriétaire, ils ne viennent pas. Mais dès que vous commencez quelque chose, ils viennent. Voilà, c'est nous. Mais urbanisme, si je retourne jusqu'à vous. Urbanisme, on a tout à sortir. Il faut urbanisme pour maintenir la brousse. Quand vous essayez d'améliorer, ils viennent vous empêcher de construire. Pour réclamer l'argent. Ce qui est aussi le temps de la Zamba. Ouais, mais pour moi, on attend que tu me côté pour les salariés. Ce que je veux dire, non, là, dans le cas de ma petite, on a bon, ça va tomber. Et dès qu'il a l'argent, il vous donne même des faux papiers, il ferme les yeux. Il est obligé sans respecter le plat, il n'est pas là. Il a les jambes. Voilà le genre d'autorité. C'est trop défaillant. C'est la chute qui explique ça. Il était l'homme, était le Dieu de la terre. Mais Dieu est le Dieu de l'univers. Partout. L'homme était le Dieu de la terre. Pour dominer la terre et la sujetir. Et quand il a perdu son droit à la vie, il a perdu même son autorité sur la terre. Par exemple, il avait autorité sur tous les animaux. Mais maintenant, à un moment, quand on m'appelle le lion commence à rugir. Et l'homme fuit. Il a peur du rugissement du lion. Et quand vous êtes un peu plus de continuer, avant de faire une allée au poste, la bonne fois d'une poste, elle est nous allons une bande. Mais avant la chute, nous allons faire pourquoi quand l'homme disait Léo, tant que nous avons dit que Léo, que toi, comme un petit chadou et d'autres. Alors, quand la moyenne, vous pouvez dire bon rentre maintenant c'est péché. Et les lions. Mais quand le péché est entré, l'homme dit Léo. L'homme dit Léo. L'homme prend la fuite. La peur s'est développée. Plus grave encore, l'homme craint même les cancres là. Quand la souris passe autour, on se met dans les états. La souris. Vous pouvez l'amouquer en date pour sauter les cellules. Vous êtes comme ça, mignon. L'amouquer. Elle est jolie à voir, hein. On vient même de s'arrêter, contempler la beauté de la souris. L'homme se met en panique. Saute le canapé, il saute sur les tables, il n'a pas la paix. La bombe est moi pour l'amouquer. Vous attendez à la paix qui tombe à la cotale. Mais si vous êtes, vous êtes le matin à moi pour envoyer les devoirs. On a eu du colère, mais ça, c'est pour moi, ma batoutie. Même s'il est en train de prier Dieu. Attends, il suffit que la queue de la souris frotte son genou. Souris, pourquoi tu peux prendre l'autorité sur ta prière. Cancrela va survoler juste tes cheveux. Pourtant, il vient juste pour caresser un peu tes cheveux et te souhaiter bon moment de prière. Dès qu'elle fait ça, pour toi, c'est un signe de danger. Et voilà en panique totale. Oh, attends, est-ce qu'il y a une maladie? Non, le cancrela venait pas ici pour vous. Pour ça, personne ne peut. Même le cancrel se tourne de sa réaction. Ça devait faire les effets d'une onction, non? et tambolika likolo asuki oyoki ne tonction babakiseli onction les choses pour sembler la makasi non arrête tout wana me dire au nom de Jésus non non tout s'arrête en trombe non d'abord repositionner la souris avant que je reprenne la prière et parfois même toute la volonté de prier parti. Et on finit dans la lessive, on est dans la bételle. Est-ce que c'est correct comme ça, c'est-à-dire? Pourquoi l'homme doit tomber très bas comme ça? Pourquoi la peur doit devenir si automatique? Tout animal, la vérité est celle-ci. Amen. Tout animal que vous voyez craint l'homme. Amen. J'aimerais qu'un courageux dise Amen. Amen. Depuis la sortie du déluge, Dieu a instauré un nouvel ordre. Et c'est une réalité. Il a dit ceci en gros. Dans Genèse 9, verset 3, la Genèse, c'est bon, mon ami, ça tout. À 7. Non, tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de nourriture. Et je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Mais si je remonte au verset 2. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre. Amen. Amen. Amen. Père, l'obac, amen. Parce que tu ne veux pas exercer cette autorité-là. Je vais t'ancrer là. Dire les chevaux. Dieu a dit qu'il fera de vous un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se met sur la terre, même le fourmi noir là. Dieu a dit ils doivent te craindre toi. Dieu qui a dit ça a placé ses dispositions dans les fourmis docteurs. Dans toutes les petites fourmis, les geckos, les cancrela et le cafard. Et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Voulez-vous exercer le pouvoir? C'est comme ça que j'ai vaincu tous les serpents qui étaient venus me déranger. Ils ont défilé à plusieurs occasions pour tester ma foi. Mais je crois en un Dieu vivant. Par un geste des doigts, ils sont répartis. Même les crocodiles dans la rivière Inkissi, à l'autorité de ma foi. Car je connais ma position dans la parole. Vous dites amen.